ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps, je suis très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Gémozo pour Amadou Décryptage. Je vais continuer à vous décrypter les expressions françaises et les noms qui font l'histoire. Amadou Décryptage, épisode 13, c'est maintenant. Tout de suite, une expression. Être écervelé. Se comporter de manière irréfléchie. La cervelle, contrairement au cerveau, n'est pas un terme scientifique. Dans le langage courant, c'est la substance nerveuse qui constitue le cerveau. La cervelle est aussi le nom que l'on donne au cerveau des animaux et le terme culinaire correspondant. Je cite, « J'ai lu tous les mémoires de Beaumarchais et je ne me suis jamais tant amusé. J'ai peur que ce brillant écervelé n'ait au fond raison contre tout le monde. » Voltaire, ses œuvres complètes, lettres à Argental chez Garnier en 1883. Privé de cerveau, une personne n'a plus de jugeote. Elle se comporte sans aucun discrètement de manière irréfléchie. L'origine d'écervelé est un curieux verbe qui date du XIIIe siècle. Écervelé, il signifie écraser la tête de quelqu'un en faisant jaillir la cervelle. À croire que cette pratique était courante à l'époque. Quoi qu'il en soit, qualifier quelqu'un d'écervelé est plus grave que de comparer son cerveau à une noisette ou à un pois chiche. Dans ces cas-là, il y a au moins un petit quelque chose. L'absence totale de cerveau donne à certains l'idée de faire une greffe de tête. Marie Shelley, en 1816, en avait eu l'idée en écrivant son chef-d'œuvre Frankenstein. Mais ce n'est pas seulement un fantasme de science-fiction. Le neurochirurgien italien Sergio Canavero et le chirurgien Xiaoping Ren, surnommé le Frankenstein chinois, travaillant actuellement à l'université médicale d'Harbin sur un projet de greffe de tête. Un des problèmes est de savoir si on le greffe une tête sur un corps ou l'inverse. Pour l'instant, les recherches se poursuivent sur des souris et des cadavres. Mais selon les deux scientifiques, le grand jour est proche. Inutile de dire que le projet de ces deux chirurgiens sont très controversés. Face à de telles élucubrations, il est important de bien garder la tête sur les épaules. Passons maintenant à des noms qui font l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Monsieur et Madame Pipelette. Pourquoi ce couple a-t-il donné l'expression pipé mot? Dans leur loge, les concierges bénéficiant d'une position privilégiée, elles contrôlent les entrées, les sorties, les visites, réceptionnent le courrier. Alors confie aisément nos plaintes ou confidences, on sollicite leur aide. Par conséquent, elles savent que tout dans la vie, les habitants de leur immeuble, Madame Bouvier n'est pas allée au travail jeudi dernier, Monsieur Chopin est malade, l'aîné des bergers a reçu une jeune fille, Madame Marcos est rentrée tard lundi soir, les Kresker ont reçu une lettre des impôts, etc., etc. À raison ou à tort, elles ont la réputation d'avoir la langue bien pendue ou, comme on le dit couramment, d'être des pipelettes. Ce terme leur va plutôt bien car elle provient de célèbre concierge. Monsieur et Madame Pipelet sont deux personnages inventés par Eugène Sue. Ce couple de portiers de la rue Temple dans les mystères de Paris fait rire aux éclats les lecteurs de France entre 1842 et 1843. Au fil des épisodes quotidiens parus dans le journal des débats, Alfred et Anastasie Pipelet s'occupent des affaires de l'immeuble avec énergie, donnant leur avis sur leur meurtre des habitants fulminant contre l'un, se plaignant de l'autre, jasant à propos d'un troisième. Dans le Paris des bas-fonds peuplés de filles des rues, de voleurs et de quelques honnêtes gens, Eugène Sue fait entendre une langue vivante résonnant d'argot. Et les sorties d'Anastasie Pipelet sont savoureuses. Voici par exemple comment elle s'adresse à Lucier Malicorne. Si vous attaquez à mon physique, je me jette sur vous et je vous mords. Et par là-dessus mon locataire, mon roi des locataires, vous fichera du haut en bas des escaliers comme il le dit et je vous balayerai comme un tas d'ordures que vous êtes. C'est fleuri, le sier n'est pas prêt de repasser et quant au lecteur, il en redemande. Ainsi en 1955, André Unibel réalise le film L'impossible Monsieur Pipelette qui s'achèvera à faire entrer le couple dans la légende. Dans cette comédie sociale, le fils propriétaire de l'immeuble souhaite épouser la fille des concierges, Mathilde, au grand désarroi de tous. Après de grands cris et la disparition des deux jeunes gens, le mariage est célébré dans la joie par les personnages qui incarnent Michel Simon, Gaby Morlaix, Echitra Chourault et Louis de Funès. Le mot pipelette est son féminin pipelette, qui dès 1854 désignant un ou une concierge devient bien vite synonyme d'une personne bavarde. Peut-être vous demandez pourquoi Eugène Sue a choisi de nommer ses personnages pipelettes. Ce mot pourrait venir de la même racine que le verbe piper, soit parler ou dire, un terme qu'on emploie encore l'expression une pipe mot. Une autre question demeure cependant. Si le mot pipelette existe, on emploie plus fréquemment le féminin pipelette, même pour désigner un homme qui parle trop. La raison ? Les femmes auraient la réputation d'être plus bavardes que les hommes, affirmation qu'aucune étude évidemment jamais venue confirmer. Voilà, c'est ainsi que s'achève Amado Décryptage. On se retrouve très vite. Passez une excellente journée sur nos antennes